soir si vide. C'est un je vais, je regrette seulement ne pas t'avoir devancé. Pour une autre, tu m'as laissé. Cette fille, tu vois, je veux la remercier. Me voilà.